française de Maxi France plus la chaleur. Ça fait bien passer un cocktail qui sent bon l'été. Oui, c'est vrai. Bon. Bon courage à ceux qui travaillent et qui sont branchés sur Maxi France. On va essayer de vous aider avec le meilleur de la chanson française à suivre. Julien Doré ou encore Francis Cabrel.